Page 15. Exercice 4. J'ai un mal fou à me repérer dans l'espace. Le sens de l'orientation a toujours été mon point faible. Comme en plus, dans ce dédale de rue, l'espace est resserré, je me perds dans les coins et recoins de la ville. Cela dit, c'est un lieu commun. Cette ville est un enchantement. Le moindre renfoncement de porte recèle des merveilles. J'essaie cependant d'éviter les parcours touristiques. Dans certains quartiers, le nombre de touristes donne le vertige.